C'est votre machine à laver qui ne marche plus ? Oui. Hier, j'ai mis mon linge dans la machine. Quand j'ai poussé le bouton, elle a commencé à tourner plus lentement que d'habitude. 10 minutes plus tard, j'ai entendu un grand bruit. Et puis, le silence. J'ai vu de l'eau couler partout. J'ai eu peur. J'ai tout arrêté. Vous avez bien fait. Vous avez le bon de garantie ? Non, je n'ai pas retrouvé le bon de garantie. C'est grave ? Non, ce n'est pas grave.